Toujours à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, la famille du martyr révolutionnaire chinois anti-japonais Zhang Weihua a fait parvenir le vice-couronne une corbeille de fleurs au maréchal Kim Jong-un.